بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنرحب إخواننا الكرام وعزتنا المستمعين في هذه اللقاء الجديدة لتفقه في هذه الرسالة الطيبة القيمة المباركة تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ المجدد العلام المحدث الفحام أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Donc nous vous souhaitons une fois de plus bienvenue à nos frères et nos sœurs dans cette nouvelle rencontre afin d'agrandir nos connaissances sur le sujet d'un des plus grands piliers de l'islam qui n'est autre que la salah, la base du dîn comme l'a évoqué النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعموده الصلاة le pilier de la religion de l'islam c'est la salah comme قال النبي صلى الله عليه وسلم et cela par le biais de l'excellent épître de l'excellente al-risala du résumé de la description de la prière de l'imam du muhaddith de ce siècle Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahimahullah ta'ala et avant de poursuivre ce cours Et on va de soi, comme à notre habitude, de procéder à un petit récapitulatif, à une petite révision du cours précédent et cela, dans l'unique but de renforcer nos acquis. Wa kam yaqila ma takarrar takarrar. Plus tu répètes, et plus tes connaissances se stabiliseront. Tamam. Fa nas'alullah lana wa lakum at-tawfiq. Donc parmi les choses dont on a profité à travers l'une des préfaces des ouvrages du Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, qu'il s'est contenté dans sa rédaction de cet ouvrage d'emprunter la méthodologie des gens du hadith, c'est-à-dire de s'en tenir au texte du kitab et de la sunna sans se conformer à l'une des idéologies de l'une des quatre écoles de jurisprudence, al-mazahib, al-arba'a. Donc la question, quel est le jugement quant au fait de s'affilier à l'une des écoles al-ma'ruf hadith al-arba'a ou à autre que le kitab et la sunna الذي عنده جواب يكتبه sur le salon c'est une bid'a نعم أحسنت c'est une bid'a كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى نعم le fait de s'affilier à autre que la vérité c'est une bid'a comme l'a évoqué الشيخ تقي الدين الهلالي car cela comme on a pu évoquer n'avait pas lieu à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم et ni à celle des sahaba Et ni à celle des tabi'i. Et l'imam al-Shawkani, Muhammad al-Shawkani, rahimahullahu ta'ala, il nous informe que cette bid'a, elle est apparue après la venue, après l'apparition des quatre imams. L'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, et l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhim ajma'in. Et en aucun cas, cette affiliation est mentionnée ni dans le kitab, ni dans la sunnah. Comme l'a évoqué, Cheikh Mokbe, rahimahullah ta'ala. Ben, au contraire, le kitab nous exhorte à ne pas s'affilier à ces choses-là, mais à s'accrocher et à se cramponner à la vérité. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Et attachez-vous au habl d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le kitab et la sunna, et l'ijma' al-sahaba, et ne vous divisez pas. Donc, la chose à laquelle il incombe à chaque musulman, comme il le recommande cette ayah, c'est qu'il s'affile au kitab et la sunna, et rien d'autre, qu'il s'affile à la isma, au haqq. Et comme on a dit, le fait de s'affiler à ces écoles, c'est s'affilier au haqq et au batil. À la vérité et au faux. Et alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de s'affiler à la vérité. Donc ça, ça nous montre l'interdiction, en plus de jugement que cette chose-là est une bid'a, pour montrer un vraiment que cette chose-là n'a pas lieu d'être. Et de plus de ça, on ajoute que c'est une bid'a et qu'elle est contraire à l'attachement au kitab, elle divise. Et ça, la zizanie ou le fitna fil umma, comme on a pu le voir la semaine dernière ou le cours dernier, dans les exemples qu'on a cités, et qu'à l'écart à travers la parole du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Donc ceci est une bid'a. Deuxième point qui a été en grande partie le sujet ou le thème de du cours de la semaine dernière, c'était quel est le jugement du délaissement de la prière, takasulan, par paresse. Celui qui a une réponse, il écrit Inch'Allah sur le sabbat. Non, comme il a dit frère, divergence, mais il n'est pas carré. À la Bilhan, parmi les points qu'on peut profiter par rapport à ce khilaf, le premier, comme ça a été évoqué la semaine dernière, il y a un khilaf. Il y a un khilaf à ce sujet, il y a depuis les siècles lumière. Et sans pour autant que les deux parties se sont jetées des discrédits, ou bien qu'un parti a battu derrière un autre, ou qu'un parti a jugé de l'autre qui était un takfiri, ou l'autre qui était un murji, il y en a tous ont observé la fraternité et le sakina de ce khilaf. Donc il incombe aux personnes de ce siècle, il y en a ceux qui viennent après eux, d'avoir et d'observer la même conduite. Car si les salafs n'ont pas, ou le khilaf ne les a pas poussés à avoir de l'hostilité, il ne nous est pas donné à nous de faire ce genre de trucs-là. Donc il faut avoir la bonne conduite, Inch'Allah, dans ce khilaf. Ne pas jeter discrédit sur n'importe quelle partie. Kada alika, parmi les points qu'on tire de ce khilaf, il incombe au tullab al-ilm, même qu'il fasse preuve de prudence dans ce sujet-là. Car il est une question de mécréance ou non. Et une suite qui donne un jugement qui peut aboutir à ce que tu pries plus ton frère. Tu l'enterres plus dans le cimetière des musulmans. Tu lui passes plus salam. Tu n'hérites pas de lui. Et lui, il n'hérite pas de toi. Il doit avoir une hostilité qui doit se dresser entre toi et lui, si jamais tu vois que c'est un kafir. Et beaucoup d'autres, il y en a un jugement qui en suit le fait d'avoir la conviction que celui qui délaisse la prière par paresse et par négligence, c'est un kafir. Donc, il faut faire preuve de prudence par rapport à ça, parce que sortir quelqu'un d'islam, c'est pas une chose qui est aisée. Et les points qu'on tire qu'à l'Aleka, de ce khilaf, c'est qu'il n'est pas permis à aucune des personnes, qui soit alim ou qui soit talib al-ilm, mubtadi, débutant, il n'est permis à aucune personne qui n'ont pas la certitude dans ce sujet de juger de la mécréance de celui qui délaisse la prière d'Aleka Asulam. Ça, ça n'incombe à aucune personne. Parce que lorsque tu juges, tu dois juger avec conviction et tu dois juger avec certitude. Car il fait partie de la plus grande injustice et de la plus grande transgression, comme l'a évoqué l'imam Ibn al-Layth dans l'explication de l'Aqidat al-Tahawiyya, qui fait partie de la plus grande injustice de juger sans preuve concrète de la mécréance d'une personne particulière ou d'attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala jamais il ne lui fera miséricorde, que jamais Allah subhanahu wa ta'ala il le pardonnera et que l'enfer sera sa demeure pour l'éternité. Car telles sont les conséquences qui en suit le jugement de la mécréance. Donc celui qui juge par incertitude, il lui est pas permis de faire ça. Il n'est pas permis de faire ça. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. حديث authentifié par Sheikh Mukbir رحمه الله تعالى. Le prophète dit, celui qui, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui profère sur son frère, ce dont il est innocent, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fera demeurer dans le plus des gens de l'enfer. Wa li'adhi billah. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man qala li akhihi al-muslim ya kafir, wa huwa laysa kadhalik, illa hara alayhi in lam yakun sahibu kadhalik. Muttafaqun alayhi. Celui qui dit de son frère, il y a kafir, il y a un mécréant, qui juge de lui de la mécréance, alors qu'il ne l'est pas, ça sera plus digne qu'on dise de lui qu'il est un kafir. C'est-à-dire qu'il a émis un acte de mécréance mineur, le caractérisant tout de même de kafir, il y a de mécréance mineure. Yani, c'est pas une chose aisée. Celui qui juge sur son frère par incertitude, il se voit exposé à ces menaces. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, fi sahihi, il met en garde contre ce genre d'attitude, de juger avec incertitude. Il dit, rahimahullah ta'ala, celui qui dit, ou celui qui rend mécréant son frère, alors qu'il ne l'est pas, il est plus en droit de dire que cette personne-là l'est. Yani, qu'il est kafir d'une mécréance mineure. Donc il est interdit d'émettre la vie de la mécréance que par certitude. Celui qui a la certitude, il juge. Mais celui qui n'a pas la certitude, il s'abstient. Car sinon, il s'expose à ces grandes menaces. Man qala fi akhi ma laysa fi askanahu Allah radrat al-khabal. Yani le puits de l'enfer. Il le fera demeurer dans le puits des gens de l'enfer. Donc il incombe aux étudiants quand ils rentrent dans des khilafs qui aboutissent sur la mécréance ou la non-mécréance, qui s'abstiennent si jamais il n'a pas la certitude du jugement auquel il veut établir. Et qui s'abstiennent qu'à l'écart, si jamais il voit que le parti opposé, ils ont des avis qui sont pas oui, et lui il n'a pas la réponse pour pouvoir interpréter d'une manière convenable, il s'abstient. Qu'à l'écart, on a pu voir, comme l'a évoqué le frère Abdel Rahman, que Ar-Rajih, yani l'avis prépondérant, dans ce sujet-là, c'est que celui qui délaisse la salat par paresse et par négligence, c'est pas un kafir. Pourquoi? Hadith al-Shafa'a, qui a été rapporté, il y a le hadith de l'intercession qui a été rapporté par al-Bukhari et Muslim. Les deux recueils qui sont les plus authentiques après le kitab. Selon Abu Hurayra, selon Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, le hadith, comme on a dit, le tawil, il est long. Dans lequel il est évoqué qu'un groupe de personnes parmi les musulmans qui sont rentrés en enfer par rapport à leur péché en sortiront. Quel est l'état de ces gens qui sont rentrés en enfer? Ces personnes-là n'étaient pas ne faisaient pas partie des musulmans, des gens qui prient. Ils avaient dans le cœur, certains d'entre eux avaient dans le cœur un atome de foi, d'autres une mesure de dinar, d'autres n'ont jamais œuvré en bien, mais malgré cela, ils sortiront de l'enfer. Donc si vraiment ces personnes-là, comme le prétendent les gens de la vie premier, c'est-à-dire de dire que celui qui délaisse la prière, c'est un kafir, si vraiment ça aurait été le cas, ces personnes-là qui ne faisaient pas partie des gens de la salah, comment ils ont pu sortir de l'enfer? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, al-yawma la yakhrujuna minha, à ce jour-là, les kuffars, ils ne sortiront pas de l'enfer. Et ça, c'est par unanimité des savants. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. Le paradis ne sera accordé qu'aux personnes croyantes, les personnes qui ont un poids d'atome dans le cœur, auquel Allah subhanahu wa ta'ala va faire la grâce qu'ils sortent de l'enfer par le biais des intercédeurs. S'ils sortent de l'enfer, vers quelle demeure vont se diriger? Le paradis. Car dans l'au-delà, il n'y a que deux demeures, il n'y a pas trois demeures, soit l'enfer ou soit le paradis. Si ces personnes-là sortent de l'enfer, c'est que forcément c'est pour se diriger où? C'est pour se diriger vers le paradis. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yadkhulu al-jannata illa nafsun muslimah. Si ces personnes-là auraient été des kuffars, jamais ils n'auraient pu rentrer au paradis. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna alladhina kadhabu bi ayatina واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Ceux qui traitent de mensonges au verset et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront jamais ouvertes et ils ne rentreront jamais au paradis qu'après que le chameau rentre dans le trou de l'aiguille. يعني jamais de la vie abadan. C'est ainsi que nous rétribuons les criminels. Ibn Jalir, Imam al-Mufassirin, nous dit, ça c'est par unanimité des savants, que les kuffars, jamais ils ne rentreront au paradis. Donc si ces personnes-là, qui avaient un poids d'atome dans le cœur, étaient des kuffars, jamais ils seront sortis de l'enfer pour s'orienter vers le paradis. Donc ce khilaf-là, comme l'a dit Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, fi hukm tariq al-salah, il n'a pas lieu d'être. Même si jamais les savants ont divergé sur ce sujet, cette divergence-là, elle n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les personnes de la vie première, ils n'ont jamais été capables de pouvoir orienter ou pouvoir interpréter le hadith de l'intercession d'une manière convenable. Donc cela nous pousse à ce qu'on prenne le hadith comme il est, c'est-à-dire de croire et avoir la conviction que celui qui délaisse la salat, ce n'est pas un kafir. Tamam ? Ce n'est pas un kafir, jusqu'à preuve du contraire. Certes, yani, ils ont dit, celui qui délaisse la prière, ce sont des personnes qui sont sorties de l'enfer, c'était des personnes qui n'avaient pas la capacité d'œuvrer. Ils n'ont pas eu la possibilité d'œuvrer. Des taux de jihad qui sont encore beaucoup plus faibles qu'une toile d'araignée. À la kullihal, comme on a pu voir, c'est une réponse qui n'est pas cohérente. Car comment c'est possible que ces personnes-là rentrent en enfer? Car on sait que les personnes qui sont rentrées en enfer, elles sont rentrées en enfer parce qu'ils ont fait des péchés. Donc s'il a fait des péchés, forcément il avait le temps d'œuvrer, de faire des bonnes actions. Donc comment on peut dire qu'il n'avait pas la possibilité d'œuvrer? Et est-ce que ces personnes-là, ceux qui disent qu'ils n'ont pas, il n'a pas eu la possibilité d'œuvrer, ils disent en gros que cette personne-là, elle a ignoré le bien, c'est pour ça qu'elle s'est adonnée au mal. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ma kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula. Et nous n'avons jamais puni, sanctionné, avant d'avoir envoyé un messager. Imam Shinqiti rahimahullah ta'ala, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne sanctionne aucune de ses créatures dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà qu'après qu'il l'ait averti, c'est-à-dire il envoie les messagers afin qu'il lui montre la voie de la guider et l'avertit de la voie qui mène à l'enfer. Si après cela cette personne-là s'entête à désobéir après que la guidée lui soit venue, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala s'il le veut de le faire entrer en enfer pour le châtier. Et il nous dit, rahimahullah ta'ala, les gens de l'enfer ne sont rentrés en enfer qu'après avoir désobéi à leur messager. Donc ça nous prouve qu'il avait ces personnes-là, lorsqu'ils rentrent en enfer, ils sont rentrés en enfer parce qu'ils ont contredit la voie des messagers. Donc la voie des messagers, la voie du bien comme la voie du mal, elle leur a été exposée. Et eux, après cela, ils l'ont contredit. C'est pour ça qu'ils sont rentrés en enfer. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ils ont reconnu leur péché, anéantis soient les gens de l'enfer. À la culte de Halayu, les frères, on va pas s'étaler plus pour pas prendre du temps sur le cours. Il manque encore le hadith, comme on avait évoqué, hadith Ubadah, dans lequel le prophète Sassan nous informe que Allah, subhanahu wa ta'ala, fera la grâce aux personnes qui ont sorti la prière de leurs œuvres. Il y a un qiyamah, il sera probable que ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala les châtie, comme c'est possible qu'il les pardonne. Et comme on a dit, les kuffars, Allah subhanahu wa ta'ala, abadan, il les pardonne. Par la preuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne à personne qui lui associe autre que lui, et il pardonne toutes choses en dehors de cela. Et l'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, fi Fath al-Qadir, dans son tafsir, il nous dit, cette ayah englobe kathalika, toutes les choses qui fait sortir de l'islam. Et ce n'est pas forcément l'association qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, mais toutes les choses qui font sortir de l'islam. Donc ça veut dire que la mécréance majeure est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Donc comment, si jamais ces personnes qui font sortir leur salat des heures, comment c'est possible que, ou il est probable qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le pardon ou bien le châtiment? Non, si jamais ça rendait les kuffars, c'est l'enfer directement. C'est l'enfer directement et non pas la grâce. Ça, la roue, une petite révision avant d'avoir commencé, parce que ce sujet-là est très, très important. وندخل إن شاء الله اليوم في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد المحدث الإمام أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc il dit au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Al-Imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, comme à l'habitude des autres, ou comme à l'habitude des auteurs dans l'islam, a débuté son épître, son résumé, sa risala, par la basmala. Le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Cette formulation a pour but de demander à Allah Azzawajal, par son nom le plus grand qui est Allah, l'aide et la bénédiction dans la chose que tu entreprends, afin que tu puisses la parachever en ayant agréé Allah subhanahu wa ta'ala. Car nul d'entre nous ne peut aboutir, ne peut achever, parachever une chose, ne serait-ce même que le fait, le simple fait de lever le petit doigt, qu'après l'aide et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Et vous ne pouvez vouloir que si le Seigneur de l'univers, Allah Azzawajal, le veut. Donc voilà pourquoi l'imam Al-Albani, il a commencé sa risala par le basmala, afin de demander l'aide à Allah Azzawajal. Fait le musulman, comme il est ma'ruf, la hawla lahu wa la quwwa. Il n'a ni le pouvoir ni la capacité, il n'y a ni que par le biais d'Allah Azzawajal. Donc il revient de revenir entièrement vers Allah et rechercher l'appui et le soutien vers lui dans chaque chose qu'on entreprend et non s'appuyer sur sa personne. Cette coutume qui est de faire le prologue, le début des choses par la basmala est devenue une grande habitude et allée chez les gens de science. Comme l'a évoqué Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala fi Fath al-Bari. Cette bonne habitude, cette belle coutume a été puisée depuis le Kitab et la Sunna. Car en effet, le livre d'Allah Azzawajal, Allah subhanahu wa ta'ala a fait le prologue de son livre par la basmala. فَقَالَ جَلَّ وَعَلَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْآيَةِ. Il en est de même pour les lettres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adressait aux grands de ce bas monde. Elles débutèrent pour la plupart par la basmala, comme cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, selon Abu Sufyan, radiallahu ta'ala anhu. Donc commencer les ouvrages, les cours et autres, parmi les choses d'une haute importance, dans lesquelles il est recherché les hautes sollicitations, c'est une chose qui est très recommandée. C'est une chose qui fait partie des solennes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Et vous avez certes dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans ses paroles, dans ses actes, un bel exemple à suivre pour ceux qui désirent Allah عز وجل le jour dernier et l'évoquent abondamment. Donc le fait de faire ou commencer les choses par le basmala, on a dans cela un bon exemple à suivre, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'à dans les kitab, il incombe, de commencer ces choses-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala a commencé son kitab, qui est le meilleur des kitab. Donc celui qui écrit une chose ou commence une chose, il est bon qu'il la fasse ressembler à la meilleure, au meilleur des livres, qui est kitab Allah azza wa jalla. قال رحمه الله تعالى إن الحمد لله سات لا لونج appartient en toute vérité à Allah عز وجل. Quant à la parole إن الحمد لله أو الحمد, c'est-à-dire la louange revient en toute intégralité à Allah عز وجل. Dans cette formulation, Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى loue Allah عز وجل. Et cela en pleine conformité avec le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala exhorte ses serviteurs à ce qu'ils louent. Dites, louange revient seul à Allah Azza wa Jalla. Donc en conformité avec ce verset, ou c'est par conformité avec ce verset que Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a loué Allah en disant إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ, car Allah subhanahu wa ta'ala le recommande. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, dites, louange à Allah. La louange, dans la langue arabe, et sa définition, c'est de faire l'éloge d'une personne en évoquant ses beaux caractères d'acquisition, par admiration et exaltation. Bil Arabiya, il dit que Mahasin al-Mahmoud, al-Ikhtiyariya, ta'ziman wa mahabbatan. Le fait de faire l'éloge d'une personne en évoquant ses beaux caractères d'acquisition par admiration et exaltation. J'entends par là, quand je dis les caractères d'acquisition, les caractères qui ne sont pas de nature innée. Qui ne sont pas de nature innée. Les caractères auxquels la personne, par le fruit de ses efforts, et surtout par la volonté d'Allah Azza wa Jal, yani, il se les acquit. Comme le fait maintenant de s'instruire. Ou le fait d'enseigner. Ou le fait de maintenant concilier entre deux personnes. Le fait de concilier entre deux personnes. Tous ces caractères-là sont des caractères auxquels cette personne s'est évertuée à acquérir. Au contraire, des caractères de nature innée, comme le fait de sourire, ou le fait, d'avoir maintenant des beaux yeux. La personne qui a une belle voix, la personne qui a un beau sourire, la personne qui est grand et amie de nature. Et toutes ces choses-là, ce sont des caractères qui ne sont pas d'acquisition, mais des caractères de nature innée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé et par sa grâce. Donc, louer Allah Azza wa Jal, c'est le fait d'évoquer ses beaux caractères par admiration et exaltation. Ta'ziman wa mahabbatan. Quant au fait d'évoquer les beaux qualificatifs d'une personne sans pour autant l'admirer ou l'immensifier ni l'exalter, cet acte, dans la langue arabe, dans l'islam, n'est pas dit d'une louange. Ceci on appelle un compliment. Al-madh. Al-madh, c'est le dhikr al-mahasin al-mamdouh. Il n'est pas conditionné dans le madh que la personne, lorsqu'elle lui fait des compliments, qu'elle le fasse d'une manière par l'admiration. Allah Azza wa Jal, il mérite en toute vérité d'être loué pour sa seigneurie al-rububiyya, pour son culte exclusif al-uluhiyya, pour ses noms et ses attributs, pour ses bienfaits qu'il a octroyés à l'humanité, qu'il soit religieux ou mondain. Pour toutes ces choses-là et autres, il convient qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit loué. Le serviteur doit louer Allah Azza wa Jal à chaque moment, car les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne sur l'humanité sont indénombrables, comme qu'Allah subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Et si vous vous mettez à dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, jamais vous ne pouvez y arriver. À chaque bienfait que tu l'as loué, tu as besoin de le relouer. Car le fait que tu l'as loué pour ce bienfait, c'est un bienfait auquel tu dois le louer. Fahimtum? Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala te donne un bienfait, il attend que tu le loues. Allah subhanahu wa ta'ala dit washkuruni. Et soyez reconnaissant. Lorsqu'Allah te donne un bienfait, il faut que tu sois reconnaissant. Et parmi les signes ou parmi les choses par lesquelles s'accomplit la reconnaissance, c'est le fait de le louer. Donc il te donne un bienfait, tu le loues. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la réussite et la grâce que tu le loues, c'est un bienfait que tu dois par la suite louer. Et ainsi de suite. T'en finis jamais. T'en finis jamais de louer Allah Azza wa Jal. Comme a dit l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, t'en finis jamais de louer Allah Azza wa Jal. Car tout ce qu'il te donne, c'est un bienfait. Et ce bienfait-là, tu dois le louer. Le fait que tu le loues, c'est un bienfait. Donc il faut que tu le reloues. Subhanallah. Le serviteur doit louer Allah Azza wa Jal à chaque bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait ressentir. Qu'il soit apparent ou dissimulé. Qu'il soit concret ou un bienfait qui est à venir. Que tu le saches ou que tu l'ignores, comme l'a évoqué Al-Imam, Al-Sheikh, Al-Harras, Rahimahullah ta'ala, Rahmat al-Wasi'a fi Sharh al-Wasi'a, le Sheikh l'Islam et Taymiyyah, Rahimahullah ta'ala. La louange appartient en toute intégralité à Allah Azza wa Jal, qui m'a parlé. Alhamdulillah, Allah huna, Allah al-Tamlik, ou Allah al-Istihqaq. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, en toute vérité, en toute intégralité, la louange revient à Allah Azza wa Jal. Car le lam, al-lam fi lillah, al-lam huna, lit-tahqiq, ou l'ismu al-istihqaq. Al-istihqaq. Et il lui revient en toute vérité d'être loué. La louange appartient en toute intégralité à Allah Azzawajal. Tout bienfait que tu te vois octroyer, qu'il soit par Allah Azzawajal directement ou par l'intermédiaire d'une personne, Allah subhanahu wa ta'ala en est le seul, la source. قال جل وعلا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء يأتي لنا في الدار en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous pourvoit depuis les cieux. Non, que tu aies remercié un serviteur pour ses services, c'est une chose qui est demandée dans le dîn. Mais sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala en revient en tout premier le droit qu'il soit loué. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui la source de ce bienfait ou de ce service que ce serviteur t'a donné. Donc il lui revient que c'est Allah azawajal soit en premier lieu loué. Et voilà pourquoi la formulation yani alhamdulillah, louange à Allah ou loué soit Allah, ne revient d'être employé à autre qu'Allah azawajal. C'est une chose qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre. En d'autres termes, il est interdit de dire, مثلاً, الحمد لي محمد, ou الحمد لي جبريل, ou الحمد لي فلان, ou الحمد لي علان. Il est interdit de dire ça. Parce que la louange revient en toute intégralité à Allah. لله. يعني مستحقا له الحمد. Tous ces emplois sont illicites. Tu n'as pas le droit de dire ces termes-là à autre qu'Allah Azza wa Jal. Comme a dit le Cheikh Badr Abu Zayd fil manahi al-dhiyah, il dit rahimahullah ta'ala, dire loué est un tel, yani alhamdu li fulan, louange à tel n'est pas une chose yani qui est connue des salafs, car cette formulation elle est propre à Allah azza wa jalla, wahdahu la sharika lah. Certes, tu peux dire tu seras loué si jamais tu fais ça, yani on va te faire l'éloge. Les gens vont parler en bien de toi. Tu seras loué si tu fais ça. Mais en aucun cas tu dis Alhamdulak, louange à toi. Ça, c'est une chose, un terme, une formulation qui est propre à Allah Azza wa Jal. Comme a dit Al-Sheikh Bakr Abu Zayd, Rahimahullah Ta'ala. Qala Rahimahullah Ta'ala, Inna Alhamdulillah, Nahmaduhu wa Nasta'inuhu wa Nasta'firuhu. Donc, nous louons Allah Azza wa Jal, nous lui demandons l'aide, ainsi que le pardon. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous recherchons le refuge contre le mal de nos âmes. Car celui qui ne prend pas le refuge contre le mal de son âme, il sera livré à sa propre âme, à sa chétive âme. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. Certes, l'âme est tentatrice et appelle au mal, excepté celle à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde. Donc celui qui ne prend pas le soin de préserver son âme contre le méfait de son âme, certes, il sera livré à lui-même, à son âme, la tentatrice, et celle qui appelle à la voie du mal. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وكل أو كما قال العلماء من وكل إلى غير الله هلك. Celui qui est livré à autre qu'Allah Azza wa Jal, certes, il court à sa perte. Donc il est important de préserver ses personnes contre ses personnes, contre sa personne. قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Et contre le mal, on recherche aussi le refuge contre le mal de nos œuvres. من يهده الله فلا مضل له. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, il n'a pas, personne ne peut le guérir. ومن يضلل فلا هادي له. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala égare, personne ne peut le guider. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et j'atteste qu'il n'est d'autre divinité en toute vérité méritant d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jalla. قوله أشهد. La parole de Cheikh rahimahullah ta'ala lorsqu'il dit أشهد, j'atteste. Regarde, et remarquez de quelle manière Cheikh a employé les pronoms dans ce paragraphe. Au début du discours, il disait « Nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruhu, na'udhu ». Il utilise le pronom « nous ». Et lorsqu'il passe à l'attestation de la divinité d'Allah Azzawajal et de la prophétie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « je ». Le ulama dit pourquoi il est passé de « nous » à « je », car il est impossible d'aller t'attester du contenu que renferme la poitrine de ton frère. Tu ne peux pas attester de ce qu'il y a dans la poitrine de ton frère. C'est pour ça qu'il a dit « ani ashhadu » ou « ala qal nashhadu ». Il n'a pas dit « nous attestons », mais il a dit « j'atteste ». Il atteste de ce qu'il y a dans son cœur. Il n'a aucune possibilité de pouvoir attester de ce qu'il y a dans le cœur des autres. C'est pour ça qu'il a dit « ashhadu ». Remarquez bien pourquoi. Au contraire du pardon et du soutien auquel tu peux dire « nous demandons le pardon ». Tu peux demander le pardon pour ton frère. « Nous demandons le pardon ». Et tu peux demander kadalika du soutien pour ton frère. Et kadalika, tu peux joindre ta voix, ta main ou tes doigts avec celle de ton frère ou bien y aller pour louer Allah Azza wa Jalla. Mais en aucun cas, tu peux attester de ce qu'il y a dans la poitrine de ton frère. C'est pour ça que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a dit « Ash'hadu, j'atteste ». Car Allah Azza wa Jalla, il y a quoi le kitab et le karim ?« Qul la ya'lamu man fi s-samawati wal ard al-ghayba illa Allah » dit « nul dans les cieux et la terre ne connaît l'invisible en dehors d'Allah Azza wa Jalla ». Donc ce qu'il y a, ce que nos poitrines enferment, font partie de l'invisible, des choses que les personnes ne peuvent attester. قال رحمه الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Le prophète صلى الله عليه وسلم est un serviteur, comme le Coran à plusieurs reprises l'a évoqué. Cela afin que les personnes sachent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une personne comme une autre, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait une grâce énorme de lui révéler la prophétie. Mais en aucun cas cela fait de lui que les personnes peuvent l'adorer. Voilà pourquoi le terme huna, serviteur, il a été employé. Kadalika, afin d'émettre une réfutation aux personnes qui ont de la démesure pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est le cas de Al-Firqat al-Dalla, la secte égarée des soufis, qu'ils ont vraiment de la démesure envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Al-Nasara, ils l'ont eu avec Isa, au point où ils l'ont élevé au statut de divinité. Wa al-Nabi ou al-Rasoul, c'est un messager, wa Rasoulou, cela afin de faire une réfutation aux juifs, ceux qui ont une mauvaise conduite avec leurs prophètes. Combien de prophètes sont venus pour la communauté juive et combien de prophètes n'ont pas été épargnés? Une grande majorité d'entre eux, comme le Coran l'évoque, ont été tués. Ils ont refoulé, rejeté, tué. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Kullama ja'ahum rasuluna kadhabu » À chaque fois qu'un messager leur venait, ils le refoulaient. Quant à la différence qu'il y a entre Al-Nabi ou Al-Rasoul, le prophète et le messager, quelle est la différence qu'il y a entre les deux? La différence est telle que l'a évoqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il dit Al-Nabi, le prophète, c'est celui à qui on a révélé une chose. À partir du moment où cette personne à qui il lui a été révélé une chose est envoyée vers un peuple contredisant les ordres d'Allah Azza wa Jal, on dit de lui que c'est un rasoul, un messager. La personne qui œuvre par une législation conforme à celle précédente ou non, qui n'est pas envoyée à un peuple qui contredit l'ordre d'Allah Azza wa Jal, on dit de lui que c'est un prophète. Celui à qui la prophétie a été donnée et qui n'est pas envoyé à un peuple qui contredit l'ordre d'Allah Azza wa Jal, on dit de lui que c'est un prophète. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne lui est pas permis d'ordonner ou bien d'interdire. Non. Il interdit et il ordonne, comme c'est le cas des ulama. C'est pour ça que les ulama sont les héritiers des prophètes, car leur place dans la communauté musulmane, la communauté de l'islam, est telle que les prophètes, ceux qui ordonnent et interdisent et appellent à Allah Azza wa Jal, les peuples qui se conforme à la guidée d'Allah Azza wa Jalla. قال رحمه الله تعالى أما بعد فقد اقترح علي أكثر من أخ أو صديق أن أقوم بتخليص كتابي. Il nous dit, plus d'un frère et plus d'un ami à moi m'a certes proposé que je fasse un résumé de mon livre Sifat al-Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Kitab al-Mutawassit. واختصاره وتقريب عبارته لعامة الناس. Cela afin que les termes soient plus simplifiés aux gens de la masse, afin qu'ils puissent profiter aussi de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car comme on a pu le voir, Cheikh Al-Albani, il avait deux ouvrages. Il a deux ouvrages qui ont précédé le résumé, dans lesquels Cheikh, ou surtout le premier, il s'est étalé d'une manière qui ne rend pas apte et habile les personnes de la masse de pouvoir comprendre, car il s'est étalé dans les jugements du hadith une chose qui demande d'avoir au préalable une connaissance de la science du hadith afin de pouvoir comprendre. Donc c'est pour ça qu'il a fait ce résumé, afin que les awam, les personnes de la masse, ne soient pas privées, qu'ils puissent aussi profiter de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ولما رأيته اقتراحا مباركا. Lorsque j'ai vu que cette proposition était une proposition bénite, et j'ai vu qu'elle correspondait aussi aux idées et aux choses qui me trottaient dans la tête depuis un bon bout de temps, j'ai vu que ces personnes-là qui m'ont demandé cela étaient en droit que je leur donne un peu de mon temps, même si il est précieux. فبادرت إلى تحقيقه حسب طاقتي وجهدي. Donc je me suis empressé à m'investir dans cela selon mes capacités et mes efforts. سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه. Tout en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de cette œuvre une œuvre sincère pour lui. وينفع به إخواني المسلمين. Et pour aussi, et afin qu'elle soit un profit, ou ce régime soit un profit pour mes frères musulmans. J'ai vu qu'il était bien de démarquer ce résumé par des fawaïd, par des paroles bénéfiques que je n'avais pas citées dans les deux autres livres. Et j'ai vu qu'il était bon qu'elle soit évoquée dans ce résumé. Et il dit, je l'ai démarqué, ce résumé, par des explications de certains paragraphes, de certains passages qui pouvaient avoir dans les textes yani prophétiques, et kadhalika dans les afkar, chose qu'il n'a pas fait dans les deux ouvrages précédents. وجعلت له عناوين رئيسية. Et j'ai mis dans ce résumé des chapitres. وأخرى كثيرة جانبية وضحية. Et d'autres titres dans le but qu'elles soient un éclaircissement. وربط تحتها مسائل الكتاب بأرقام متسلسلة. Et j'ai ajouté à cela des numéros afin que le livre soit bien éclaircifié. قال وشرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب. Et j'ai pris le soin, chose que je n'avais pas fait dans les deux ouvrages précédents, d'évoquer le jugement de chaque thème ou de chaque masala et de chaque sujet, en évoquant est-ce qu'elles sont un pilier ou une obligation ou une sunna, etc. وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن. Et les choses dans lesquelles je n'ai pas évoqué de jugement, à font partie des sunan. Donc les choses dans le livre, si Cheikh Al-Albani il n'aimait pas de jugement, sachez, comme il nous l'évoque maintenant, qu'elles font partie des sunan. Donc il faut faire bien attention à ça. Et les choses qu'il a évoquées, qui dit maintenant c'est un ruk, un pilier ou un wajib, yani, ça impliquera que c'est un wajib ou un pilier, comme l'a évoqué Cheikh Al-Albani. قال وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن. وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب. Et nous dit certaines des paroles ou certains des jugements auquel je me situe, c'est probable qu'il y a plus une sunna ou c'est probable yani, que ce soit yani, une chose qui est wajib. Yani, c'est possible cela et c'est possible cela. Lorsqu'il a vu que la probabilité elle était entre cela et cela, il a préféré ne pas émettre de jugement. قال والجزم بهذا أو ذاك ينافي التحقيق العلمي. يعني le fait de trancher sur une chose qui est probable, cela ne fait pas partie ou bien comment ça s'appelle des éthiques dans les investigations scientifiques. قال رحمه الله تعالى والركن le pilier. والركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه. الركن qui est le pilier dans le fiqh. Il est considéré comme la chose faisant partie intégrante de l'adoration, par laquelle s'accomplit la validation de cette adoration. Et le non-accomplissement de ce pilier, il implique directement l'invalidité de l'adoration dans lequel se trouve ce pilier. Donc je répète, le pilier est une chose qui fait partie intégrante de l'adoration, par lequel s'accomplit la validité de cette adoration. Le fait de ne pas accomplir ce pilier implique directement l'invalidité de cette adoration. قال رحمه الله تعالى وما الركن وما يتم به الشيء الذي هو فيه ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه. فالركن, comment il est possible de pouvoir le connaître? Par deux conditions. La première condition, tu regardes si cette chose a fait partie intégrante de l'adoration. Si elle fait partie intégrante de l'adoration, une condition est requise. Manque plus que la deuxième, c'est-à-dire tu regardes ensuite si cette chose qui fait partie intégrante de l'adoration, est-ce que le fait de la délaisser implique l'annulation, l'invalidité de l'adoration? Si c'est le cas, juge de cet acte ou de cette chose-là qu'elle est impliée. قال رحمه الله تعالى كالركوع مثلا في الصلاة. Il a pris l'exemple du rukou. Al-rukou, c'est une chose qui fait partie de la salat ou pas? Non, c'est une chose qui fait partie de la salat. Est-ce que si jamais tu délaisses al-rukou, ça annule la prière ou pas? Non, donc le rukou, c'est un rukou, mais arkan al-salat, c'est un pilier parmi les piliers de la salat. Donc un tanbih, à savoir que al-rukou, le pilier, le fait de l'accomplir, le simple fait d'accomplir le pilier, n'implique pas que la prière ou bien que l'adoration soit valide directement. Car prenons l'exemple de l'wudu. La personne qui fait al-rukur, il fait al-rukur dans toutes les salawats, dans toutes les unités de prière. Tamam. Si jamais cette personne-là, il fait al-rukur, mais il a bilal tahara, il n'a pas l'wudu. Est-ce que le simple fait qu'il a fait al-rukur, ça nous permet de juger que sa prière elle est valide? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le wudu. Donc, garder, c'est pour montrer que le simple fait d'accomplir un pilier, le simple fait de l'accomplir, quand même, ça implique pas que la prière ou bien que l'adoration soit valide. Mais le contraire, si jamais tu le délaisses, ça implique directement que la prière ou bien que l'adoration est invalide. قال رحمه الله تعالى الشرط, يعني la condition. قال والشرط كالركن إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه. Il dit la condition elle est semblable au rukn, au pilier. Donc si tu connais le pilier, ça va t'aider à connaître al-shart, yani la condition. Sauf qu'il y a une différence entre le pilier et la condition. Le pilier, comme on l'a dit, fait partie intégrante de l'adoration. Quant à la condition, elle ne fait pas partie de l'adoration. Prends le cas de l'eau. Est-ce qu'il fait partie de la prière? Non, il ne fait pas partie de la prière. Est-ce que le fait que tu délaisses al-wudu et que tu fais al-tahara, ça annule ta prière? Non, ça annule la prière. Donc cette chose-là, la chose qui ne fait pas partie de la prière et qui, ou son délaissement, implique l'annulation de la prière ou l'annulation de l'adoration, on dit de cette chose dans le fiqh, dans la jurisprudence, qu'elle est une condition shart. قال والشرط كالركن إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه. La condition est telle que le rukn, sauf que الشرط ne fait pas partie de l'adoration dans laquelle il est une condition. كالوضوء مثلا في الصلاة فلا تصح بدونه. يعني la prière n'est pas valide sans الوضوء. قال رحمه الله تعالى والواجب الأوبليغاسيون قال هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة يدي لنا رسول الأوبليغاسيون إلى ديفيني par la chose qui a été ou l'ordre qui a été affirmé par le kitab ou par la sunna. Cette définition, il y a une meilleure définition que celle-là, c'est celle qu'a apportée Abu Huraira, un sahabi jalil. قال الواجب وما أمر به الشارع أمرا جازما. يعني l'obligation, ça fait partie, c'est une chose dont la religion a ordonné et imposé aux gens de faire. À partir du moment où je suis imposé de faire une chose, celle-là s'appelle un wajib. Un wajib, كما قال أبو هريرة والحديث يعني متفق عليه قال هو ما أمر به الشارع أمرا جازما أمرا جازما ما أمر به الشارع أمرا جازما. C'est ce que la religion a ordonné d'une manière imposable. قال رحمه الله تعالى ولا دليل على ركنيته أو شرطيته. Il nous donne une chose ou un indice pour pouvoir reconnaître ou différencier le wajib, l'obligation, du rukn ou bien de la condition. Il nous dit « La dalil ala rukniyatihi wa la shartiyatihi » L'obligation, comment tu peux la reconnaître, c'est la chose qui n'indique pas qu'elle est un pilier et ni une condition. Donc ça implique de connaître qu'est-ce que la condition et qu'est-ce que la rukn, afin que tu puisses bien différencier l'obligation du pilier et de la condition. L'obligation, c'est une chose qui fait partie, comme le pilier, intégrante de l'obligation de l'adoration. C'est la chose qui fait partie intégrante de l'adoration. Mais au différent du pilier, l'obligation n'implique pas, et son délaissement n'implique pas que l'adoration soit annulée. Prends le cas du takbir, le fait de dire Allahu Akbar. À chaque fois que tu te déplaces d'une position à une autre dans la salah, tu dois dire Allahu Akbar. C'est quoi ce jugement dans la salah, comme on va le voir inshallah, c'est que c'est une obligation. Le fait que tu délaisses ce takbir, tu dises Allah, que tu ne dises pas Allahu Akbar, c'est une chose qui fait partie intégrante de la salah. Ça? Est-ce que le fait que tu délaisses, yani, ça fait de la prière qu'elle est bâtée, qu'elle est invalide? Non, ça ne fait pas d'elle qu'elle est invalide, car elle ne fait pas partie des piliers. Et les piliers, inshallah, pour les connaître, c'est simple, inshallah, il faut apprendre le hadith al-Musir al-Salah, dans lequel celui qui était venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est rentré au Mehdi, il a prié, ensuite il est venu voir le prophète, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, al-Jiyah al-Salih, il n'a qu'à même te salli. Retourne prier, car tu n'as pas prié. Il est reparti prier, de la même manière qu'il a prié, il est revenu, il a passé le salaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, al-Jiyah al-Salih, il n'a qu'à même te salli. Il retourne et prie car tu n'as pas prié. Ensuite, le professeur Sallam a évoqué les choses pour lesquelles s'accomplit la prière et toutes les choses qui sont évoquées dans ce hadith, bi'ijma' al-ulama, font partie des piliers. Donc, le fait d'apprendre ce hadith t'aide à connaître les piliers de l'islam, t'aide à apprendre les piliers de la salah, t'aide à connaître les piliers de as-salah. قال رحمه الله تعالى ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر. Maintenant, il passe au jugement de l'obligation. Il nous dit le jugement de l'obligation, celui qui le fait, il sera récompensé. Et celui qui le délaisse, il sera sanctionné. Sauf si jamais il a une excuse. Mais le dernier point qu'il a évoqué, il sera châtié s'il le délaisse, excepté s'il a une excuse. Fi hanada, il a dit cette chose-là, il n'y a rien à savoir. Car il incombe, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le recommande, lorsque nous émettons des définitions, qu'elles soient conformes au kitab et à la sunna, et qu'elles ne soient pas en contradiction avec le kitab et la sunna. Cette définition, la deuxième partie du jugement qui est et la personne qui la délaisse sera sanctionnée, excepté s'il a une excuse, ça rentre un peu en contradiction avec la parole d'Allah azawajal qui dit إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe autre que lui, et il lui pardonne aux choses autres que l'association. Ceci nous prouve que les choses autres que l'association sont sous la volonté d'Allah azza wa jalla. S'il veut, il le pardonne, ou s'il veut, il le châtie. S'il veut le pardonne, ou s'il veut, il le châtie. Donc là, c'est la même chose. Celui qui délaisse une obligation dans la prière, ça ne veut pas, c'est pas du shirk. C'est une chose qui rentre sous la volonté d'Allah. Donc il convient de dire, quant au jugement du wajib, celui qui le fait, il sera récompensé, mais celui qui le délaisse, il sera exposé. On dit comme ça, exposé. On ne dit pas qu'il sera sanctionné. On ne tranche pas sur le fait qu'il sera sanctionné, car il rentre sous la volonté d'Allah. S'il veut, le pardon, s'il veut, il le châtie. On dit, il sera exposé au châtiment d'Allah. S'il veut, il le pardonne. S'il veut, il le châtie. Yani, tout en étant conforme avec le verset précédemment cité. قال رحمه الله تعالى ومثله الفرض يعني لا شوز كي سمبلاب او يعني سينونيم واجب الفرض قال والتفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه ceux qui font une différence entre le fard et le wajib, il dit c'est un sens conventionnel, qui est innové et qui a pas de preuve. Ceux qui ont dit qu'il y a une différence entre al-fard, al-wajib et al-wajib, ils disent al-fard وَمَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍ. C'est des choses qui ont été affirmées par des preuves tranchantes. Qu'est-ce qu'ils entendent par là lorsqu'ils disent des preuves tranchantes? C'est-à-dire, ils conditionnent pour qu'on puisse dire de cette chose-là qu'elle est un fard, yani qu'elle soit affirmée par le kitab, par la sunna et l'ijma'. Yani là, قُدَّمْ لِهَذِهِ ثَلَاثَةٍ. Trois choses pour pouvoir juger de cette chose qu'elle est, yani na'am al-fard, yani une chose tranchante, comme on pourrait dire. Yani, une obligation tranchante. Al-wajib, ils disent, yani, wa ma thabata bidalil ranni. Yani, une chose, thabata le sunnah, ils disent, la sunnah, c'est une chose qui est ranni. Yani, à la kulli hal, saqullah il est batil. Saqullah il est batil. La farq bayna al-wajib wa al-farq. La farq bayna al-wajib wa al-farq. Kama qala, Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, fi ilm al-usul, ou fi al-usul min ilm al-usul. Fi al-usul min ilm al-usul. Et ça, c'est la parole de la plupart des savants. La parole de la plupart des savants, ils disent qu'il n'y a pas de différence entre le fard et le wajib. Si tu veux, tu dis fard, si tu veux, tu dis wajib. Il n'y a pas de différence entre les deux. Qu'est-ce qu'on appelle le Cheikh Al-Albani? C'est un sens conventionnel qui est innové et qui n'a pas de preuve quant à la différence qui est entre les deux. قال رحمه الله تعالى والسنة قال هو ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادة دائما أو غالبا. Il nous dit la sunna, c'est la chose dont Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de faire parmi les adorations. Parmi les adorations, que ce soit d'une manière continue ou que souvent. Wa sunnah, inda ahl al-hadith, auprès des gens du hadith, huwa ma thabata an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyya. Je répète, la sunna inda ahl al-hadith, c'est ma thabata an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyya aw khulqiyya. La sunna, c'est ce qui a été affirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ses actes, ses paroles, ses approbations, ses traits de caractère ou bien ses comportements. Ça, c'est la sunna auprès des muhaddithin. La sunna, ou les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se divisent en trois. Minha ibadat. Parmi ces actes, il y a des actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait qui sont dits ibad, adoration. D'autres qui sont des adat, des coutumes. Et d'autres qui sont dimiliya, des choses de nature innée. De nature innée, comme le sommeil. Le sommeil. Le fait que tu ressens le besoin de manger, toutes ces choses-là, c'est un acte. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend un déjeuner, le simple fait qu'il prenne le déjeuner, c'est pas une adoration. C'est un acte jibiliya. C'est un acte, de nature innée. Car tout homme, tout être humain, il ressent le besoin, de prendre un repas par jour. Ou al-adat, comme le fait, de porter la imama. Al-imama, c'est une chose, c'est une habitude, une coutume qu'avaient les Arabes et qu'ont toujours les Arabes. C'est pas une sunna. Le fait de porter la imama, c'est pas une sunna. Mais si jamais tu le fais par amour et par admiration, de vouloir l'exalter, si le terme est bon, ça fait rien, ça, tu seras récompensé. Mais c'est pas une sunna. Parce que c'est une chose qui était coutumée chez les Arabes, de porter une imama. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu dans un air où les gens, ils avaient comme habitude de porter l'imama. Et l'adoration, il y a dit, c'est toute chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a dit fait pour se rapprocher d'Allah azzawajal. Donc toute chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait pour se rapprocher d'Allah, ceci il y a dit établi une ibadah, comme la salat, comme la zakat. Il y a dit toute chose qu'il entend, il y a dit, قال الشيخ الإسلام العبادة هو كل ما أحب الله سبحانه وتعالى ورضيه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة سنتو لفي جست لزات كالله سبحانه وتعالى أمي يدعي كي سوى أبهم ديسيميلي كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ولم يأمر به أمرا إجاب يعني يدي على la définition de sunna la sunna comme synonyme كذلك المستحب la chose qui est recommandée, la chose qui est recommandée. Il nous dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, quant au jugement de la sunna, c'est la chose que Allah, ou bien, qui est la chose qui a été ordonnée, mais pas d'une manière qui impose les gens de faire. Ils sont libres. Celui qui le fait sera récompensé, celui qui le délaisse, il ne sera pas sanctionné, ni châtié, ni exposé au châtiment. Cette personne-là ne sera pas réprimandée. Donc, prenez de ce paragraphe une faïda qui est la personne qui délaisse la sunna, une sunna, on ne doit pas avoir de la chine avec lui, de la dureté. On doit le conseiller. Car le fait qu'il délaisse une sunna, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il rencontre Allah azawajal en ayant délaissé une sunna, Allah subhanahu wa ta'ala ne va ni le châtier et va ni barakallahu fikoum le réprimander. Donc, il n'incombe pas à la créature de réprimander une chose que le créateur ne réprimande pas. Donc on se doit d'être mu'addab, on doit être, il y a d'avoir un bon comportement envers nos frères, envers les préceptes de l'islam. Mais il faut savoir que la sunna, elle est très importante. Le fait que tu es la personne, il y a une hafza à la sunna, c'est très important. Parce que la sunna préserve des obligations. La sunna préserve une obligation. Les savants de l'islam, ils ont pris comme parabole pour cela que la sunna, elle est telle que les épluchures d'une orange. Et l'orange, c'est le wajib. Si jamais tu enlèves l'épluchure de l'orange, yani, sauf là, l'orange, elle va pourrir. Ou bien, elle va s'altérer. Ils disent, c'est la même chose avec la sunna. Le fait que tu délaisses la sunna, yani, tu exposes tes obligations au danger. On prend l'exemple quand même de sunna al-fajr. Le fait de prier à rak'atayn avant la prière du fajr, qui est une sunna, mu'akkada. Le fait que la personne ne la prie pas, ou dort à ce moment-là, ça peut être une cause ou qui va l'exposer, qu'à l'aléa, à ce qu'il ne prie pas, ou qu'il sorte, peut-être, ça va être fajr, de son temps. Donc le fait qu'il préserve, ou qu'il observe, il y a la sunna, c'est une chose qui va le préserver, ou qui va préserver ses obligations. Donc c'est pas. Lorsqu'on dit il ne sera ni sanctionné ni réprimandé, c'est pas une chose qui te pousse aussi à vouloir délaisser ces choses-là. La sunna, c'est une recommandation, c'est un ordre, même si jamais c'est pas, on ne t'impose pas de le faire, c'est pas pour autant qu'il faut délaisser. Donc il faut faire attention par rapport à ça. La sunna, c'est une chose très importante, une chose qui va te permettre de pouvoir t'octroyer l'amour d'Allah Azzawajal. L'amour d'Allah Azzawajal. Et qu'Allah y a une cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va te donner la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Dans tout ce que tu fais. Allah sera avec toi pour te donner la réussite dans tout ce que tu fais. Comme thabata dhalika fil hadith al-Qudsi. Alladhi rawahu al-Imam al-Bukhari. Rahimahullah ta'ala an Abi Huraira. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allah Azzawajal. Wa la yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa'idha ahbabduhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. Le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, ce hadith Qudsi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et mon serviteur ne cessera de se rapprocher auprès de moi par les nawafil, les œuvres surérogatoires, à sunnah, jusqu'au jour, jusqu'au dernier moment où je vais l'aimer. Et lorsque je l'aimerai, je serai. Le hadith, comprends-le en d'autres termes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Il sera là, pour te donner la réussite dans tout ce que tu feras. Donc c'est important de ne pas négliger la sunna, même si ça n'est pas sanctionné, ce n'est pas pour autant qu'il faut délaisser la sunna. La siyama nahnu, nous sommes, on se dit ahlul hadith, on se dit ahlul sunnati wal jama'a, les gens de la sunna et de la jama'a, du groupe. Donc, il n'est pas, il n'incombe pas à ces gens, aux personnes qui sont appelées de la sunna, de délaisser la sunna. Barakallahu fikum. قال وأما الحديث الذي يذكر بعض المقلدين معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ترك سنتي لم تنله شفاعتي فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ الألباني يذكر حديث كان حديث موضوع. الحديث موضوع هو الشيء الذي ينطي الكذب المنصوص الذي يفرجه sur le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Il nous dit pour nous montrer comme quoi que sa définition est juste. Quant au hadith, il dit, en fait, ne te fais pas avoir par le hadith qui est inventé, qui est forgé sur le prophète, qui n'est qu'un pur mensonge, dans lequel il est dit, celui qui délaisse ma sunna, il sera privé de ma shafa'a, il sera privé de mon intercession. Ce hadith-là, c'est un hadith mondou, un hadith qui est un kadhib ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le chef al-Abani, il n'a aucune base dans la religion, et aucune base auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il veut nous dire, par là que celui qui délaisse la sunna, il ne sera pas privé. Il ne sera pas privé, mais comme on a dit, il expose ses wajibat à ce qu'elle au danger. قال وما كان كذلك. Et les choses qui sont des kadhib, les choses qui sont des kadhib. قال رحمه الله تعالى وما كان كذلك فلا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خشية تطول عليه. Toutes les choses, il y a des hadiths qui sont pas, qui sont moudou, et des hadiths qui sont inventés, il n'incombe pas qu'ils soient attribués au prophète sallam, car il a dit من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه. Celui qui forge sur moi des mensonges, qui se prépare une place en enfer. وقال رحمه الله تعالى وإن من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم فيه تبع من أصله مذهبا معينا من المذاهب الأربعة المتبعة. Il nous dit par là, je souhaite ajouter à cela que dans ce résumé, j'ai pris la même méthodologie que dans les 12 branches passées par, c'est-à-dire que je ne me suis pas conformé à un madhhab parmi les madhhabs. Comme on a pu voir, il a dit c'est une chose qui est une bid'a, le fait de s'affilier à une chose autre que le kitab et la sunna et autres, ou à une chose, ou à une des quatre écoles. Parmi les écoles de jurisprudence, c'est une chose qui ne fait pas partie qui est une innovation, comme l'a évoqué Cheikh Taqi al-Din al-Hilali al-Maghribi, rahimahullah ta'ala, et Cheikh Mokobel, il a fait une petite allusion à ça. Il a dit, yani, al-Madhhabiyya, laysa warida fil kitab wa sunnah. Elle n'est pas mentionnée dans le kitab, ni dans la sunnah. À la kulli hal, on a déjà parlé sur ce sujet-là. Qala wa innama sadaktu fihi maslaka ahl al-hadith. Et je ne fais que, dans ce résumé, qu'emprunter la voix des gens du hadith. Alladhina yaltamizun al-akh bi kulli ma thabata 'anhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam min al-hadith. Qala wa lidhalika, yani en fait, il nous dit, je me suis imposé à moi-même de prendre les choses qui ont été confirmées de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et rien d'autre. Qala wa lidhalika kana madhhabuhum aqwa min madhahib ghayrihim. C'est pour cela que les idées ou bien la voix de ces personnes-là, les gens du hadith, leur madhhab est bien plus qawi, bien plus fort et bien plus combattant que les autres idéologies et les autres positions, car eux, ils se contentent de prendre du kitab et de la sunna. Du kitab et de la sunna. قَالَ كَمَّ شَهِدَا بِذَلِكَ الْمُصَنِّفُونَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ. Et les écrivains ou les auteurs de toutes les écoles, ils ont pu attester de cela. Il a dit que le meilleur des madhhab, c'est le madhhab des gens du hadith, ceux qui se contentent de prendre leur jugement à la lumière du kitab et de la sunna, selon la compréhension des sahaba. Qala minhum, parmi ceux qui ont attesté cela, qala minhum al-allamatu abul hasanat al-laknawi al-hanafi al-qa'il wa kayfa la wa hum warathatu an-nabi haqq wa hum warathatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam haqq. Il nous dit, et comment ces gens-là, les gens du hadith, ne pourraient pas être, leur position ne pourrait pas être la meilleure des positions, alors qu'ils sont les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont eux qui remplacent le prophète dans la communauté. Qala hasharana Allahu fi zumratihim وأماتنا على حبهم وسيرتهم آمين. Il fait le dua en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse rejoindre le groupe des gens du hadith et qu'il le fasse mourir le jour où il le fasse mourir, qu'il ait dans son cœur l'amour pour ces gens-là et l'amour de leur parcours et de la voie qu'ils ont empruntée. قال ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ قال دين نبي محمد أخبار نعم البضية للفداء أثار لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نار ولربما جهل الفتى أثار الهدى والشمس بازغة لها أنوار. Dans ce poème, l'imam Ahmad رحمه الله تعالى, il fait l'éloge de prendre la position ou d'emprunter la voie des gens du hadith en disant دين النبي محمد أخبار. La religion du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est des textes. نعم البطية للفتاة أثار, qui est une bonne monture pour celui qui la prend en monture. En gros, elle va te mener vers la voie de la science, vers la voie de l'application, vers la voie vers les hautes et les demeures du paradis. La tarabanna anil hadith wa alihi, ne t'écarte pas du hadith et des gens du hadith. Farra'u laylun wal hadith nar, car les points de vue et les idéologies sont une obscurité et le hadith c'est une lumière par laquelle tu t'éclaires. Amma al-ra'i, yani les points de vue et les idéologies, c'est une chose par laquelle yani tu n'auras pas de clairvoyance et tu seras perdu. Voilà, rubbama jahila al-fata athar al-huda, c'est possible que celui qui s'initie dans la science, il ne voit pas le chemin pour pouvoir yani être guidé. Wash-shamsu baziratun laha anwaru, parce que yani la vérité ou bien la voie qui mène à la vérité est comme le soleil, voyant pour tous au-dessus de nos têtes. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر. بارك الله فيكم على الحضور ومرسي d'avoir participé à ce cours et d'avoir patienté. سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا استغفرك واتوب إليك. Avant de conclure, s'il y a des questions ou des choses qui n'ont pas été claires, تفضلوا إن شاء الله. إبراهيم, il nous dit entre le prophète et le messager, c'est quoi la différence entre les deux, c'est ça? Tu veux savoir c'est quoi la différence entre le prophète et le messager? Non. Donc, comme le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a évoqué, il dit le prophète, c'est un homme déjà. Le prophète, c'est un homme, ça ne peut pas être une femme. Le prophète, c'est un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une prophétie. Mais il ne l'a pas envoyé à un peuple qui contredit l'ordre d'Allah azawajal. Qui contredit l'ordre d'Allah azawajal. Il se peut qu'il lui ait révélé une prophétie et qu'il la révèle aux personnes, il ordonne et interdit selon la prophétie qui lui a été révélée, aux personnes qui suivent sa guidée, aux personnes qui suivent l'ordre d'Allah Azzawajal. Tandis que le prophète, ou bien le messager, c'est celui, c'est l'homme, il est le messager, c'est le prophète, c'est un prophète. Tout messager est un prophète. Mais la différence entre le messager et le prophète, c'est que le messager, lui, est envoyé à un peuple qui contredit la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui contredit l'ordre d'Allah Azzawajal. Il y a un hadith qui est venu d'Ibn Abbas qui dit Bayna Adam wa Nuh yani 10 qurun, yani 10 siècles. Kulluhum 'ala tawhid hatta uhditha ash-shirk yani fi qawm Nuh. Fa arsala Allah subhanahu wa ta'ala Nuh ba'da dhalika. Yani dans ce hadith, il dit entre Adam alayhi salam wa Nuh, il y avait 10 siècles. Tous ces personnes-là, entre ces 10 siècles, ils étaient sur le tawhid jusqu'à ce que le shirk est venu dans la communauté de Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala, après cela, a envoyé Nuh, qui est le premier des prophètes, yani, afin de rétablir l'ordre sur terre, car les personnes yani, ont contredit l'ordre d'Allah par le shirk. On contredit l'ordre d'Allah par le shirk. Ça, c'est la différence qu'il y a entre le messager et le prophète. Le premier des messagers, c'est Nuh. Le premier des messagers, c'est Nuh. Adam, c'est pas un messager. Le premier des messagers, c'est Nuh. Alayhi salam. Certains disent qu'il n'y a pas de différence entre le prophète et le messager. Certains ils ont dit d'autres choses qui ne tiennent pas la route. Et c'est ça, le qol qui paraît bien, c'est celui-là, celui du Cheikh al-Islam. C'est-à-dire que, comme on a évoqué. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est l'avis du Cheikh Yahya Chamoureux, celui qui délaisse la prière? Est-ce que le hadith qui dit ce qui nous sépare de la mécréance, c'est la salat, est authentifié? Bien, l'avis du Cheikh Yahya, ou Cheikh Mouboul, Cheikh Yahya, sa position, c'est que celui qui délaisse la prière, c'est un kafir. Celui qui délaisse la prière auprès de Cheikh Yahya, celui qui délaisse la prière, c'est-à-dire par paresse et par négligence, et Cheikh Mouboul Kalaïka, ils disent que c'est un kafir. Et c'est la plupart, c'est l'avis de la plupart de mes shaykh de Dammaj, excepté Cheikh Mohamed ibn Hazan, Hafidhahullah Ta'ala, qui dans son livre Fath al-Allam, dont je vous conseille, si vous avez la possibilité d'acheter, de vous acquérir, car c'est vraiment un vrai livre, c'est un trésor qui regroupe bien une science énorme. Le hadith, quant au hadith, Naham, quel savant ? Cheikh Mohamed ibn Hizam. Mohamed ibn Hizam al-Ba'dali al-Ibbi, qui est Mohamed ibn Hizam, qui est le al-Khalifa, c'est le successeur du Cheikh Yahya maintenant. Le Cheikh Yahya, c'est le successeur du Cheikh Yahya. C'est quelqu'un qui est jeune. Masha'Allah, je crois pas qu'il a dépassé 35 ans. Et il a commencé son talab al-ilm à 15 ans. Et il s'est vraiment évertué à apprendre. Masha'Allah, il a appris Sahih al-Muslim, il a appris Riyad al-Salihin, il a appris Sunan Musnad al-Sahih de Cheikh Mouqbel. C'est quelqu'un qui a vraiment un grand comportement et beaucoup de science. Hafidhahullah ta'ala. Et c'est pour l'instant, il a une da'wa à peu près avec 400 élèves. Donc pour revenir à la question, il nous a dit le frère ou la sœur, ce qui nous sépare de la mécréance, c'est la salah, est authentifié. Non, c'est un hadith qui est authentifié. Là, il y a une sœur qui nous fait part d'une question, qui nous dit comment l'avis de ceux qui disent que c'est le délaissement de la prière par paresse et négligence, ceux qui disent qu'eux, ils ne sont pas mécréants, hein, comment l'avis peut être plus fort alors qu'il y a un consensus rapporté par un tabiri qui nous dit, c'est Abdullah ibn Shaqiq qui nous dit, ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون من العمل كفره تركه كفر إلا الصلاة. Les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ne voyaient pas un acte qui de mécréance tel que la prière. Ce hadith, c'est un hadith authentique rapporté par Tirmidhi et autres qui est authentifié par Sheikh Al-Albani et Sheikh Mughbil rahmatullah alayhima. A savoir que Abdullah ibn Shaqib, ce tabiri, cet illustre tabiri, il n'a rencontré, comme Al-Hafid ibn Hajar l'a évoqué dans Tahdib et Tahdib, qui est un livre dans lequel il rapporte les rapporteurs de hadith qui sont évoqués dans les Sunan, dans le Kutub al-Sitta. Il nous dit que ce tabiri, il n'a rencontré que 9 personnes parmi les Sahaba. Est-ce que les Sahaba, ils sont 9? Ils sont pas 9. Donc le fait que cette personne-là, il y a un rapport à Ijmer, on n'y a rencontré que 9 personnes, c'est impossible. Parce que l'Ijmer, il y a un Ijtarak fihi que tu ramènes l'avis de la majorité de tous les Sahaba. Tous les Sahaba qui étaient à son époque, il faut qu'ils ramènent l'Ijmer de ces personnes-là. Alors qu'il a rencontré que qui? 9 personnes. Il a rencontré que 9 personnes. De plus, si vraiment cette chose-là, on comprendrait de ce texte que ceux qui délaissent la prière par paresse, c'est un kafir, si vous vraiment comprenez ça. Là, il dit, les compagnons du prophète, ils ne voyaient pas une chose autre que la salat, qui est un acte de conférence, qui est un acte de kufr, qui est un acte de méfiance. Est-ce que, parmi les œuvres, ou les actes, si tu les délaisses, il n'y a que la salat, il n'y a que cet acte-là de méfiance, il y a beaucoup d'actes de méfiance encore. Le fait que tu insultes un nabi, le fait que tu pétines le mushaf, et autre, le fait que tu as l'estirfef bidin, tu te demandes une chose du din, toutes ces choses-là, ça fait partie des choses qui font sortir de l'islam. Donc là, c'est comme si on comprenait qu'en gros, il n'y a que la salat, qui est une chose qui fait sortir de l'islam, qui fait sortir de l'islam. Le troisième point, si vraiment ça aurait été un ijmer, il n'y a en aucun cas les gens qui sont venus après, parmi At-Tabiri, et parmi eux, l'imam Malik, ou l'imam Shafi'i, ou l'imam Naham Al-Thori, ou l'imam Al-Mazani, ou Kathir Al-Kulhal, jamais ils n'ont pu se permettre de contredire un ijma. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se contredit avec la voie des croyants, c'est-à-dire l'ijma, Allah subhanahu wa ta'ala le livrera lui-même et le brûlera en enfer. C'est-à-dire que celui qui délaisse l'ijma, après qu'il ait su que l'ijma est venu, c'est grave, c'est-à-dire qu'il expose sa personne à telle de choses. Donc, nous, on a une bonne pensée pour ces imams-là, comme l'imam Malik et l'imam Shafi'i, qui sont des personnes qui sont de grandes tabouins. Je ne pense pas que si vraiment ils auraient compris de la parole des tabi'is et d'autres, s'ils auraient compris de la parole de cette tabi'is, qui a Ijmer, qui se serait permis de pouvoir contredire ce Ijmer, surtout l'Ijmer des Sahaba, alors que l'Ijmer est venu. Et l'imam Shafi'i, il faut savoir que c'est une personne qui est d'une grande tabouin. Il dit dans les sujets d'interprétation diverses, يعني أستحي على الله أن أخالف أبا بكر المعمر يعني j'ai honte يعني dans les sujets d'interprétation diverses de pouvoir de rentrer en divergence avec Abu Bakr et Omar, يعني deux personnes. Donc que dire si jamais dans des choses يعني où il n'y a pas lieu d'avoir une divergence, il n'y a pas lieu d'avoir qui sont pas comment ça s'appelle à titre d'interprétation, et en plus de ça il vient يعني خالف tous les جماعة, il vient خالف tous les صحابة, impossible, c'est pas possible. Et rajouter un quatrième point qui est que l'imam Malik, ou Yanni Abdullah ibn Shaqiq, ce tabi'i qui a ramené ce soi-disant Ijmer, il a des élèves. Ces élèves-là, Yanni comme Ayyub al-Sikhtiyani, ou Kadalika Humayd al-Tawil, ces élèves-là, qui sont les élèves d'Abdullah ibn Shaqiq, sont qui? Les mashaykh de l'imam Malik. Sont en même temps les savants de l'imam Malik. Donc ces personnes-là, qui sans doute ont pris cette science, parce que c'est une grande science, le fait de savoir ça, il y a vraiment si jamais ça va être un Ijmer, Abdullah ibn Shaqiq, il aurait certainement transmis cela à ses élèves. Parmi eux, Ayyub al-Sikhtiyani, un grand imam dans la Sikhon, c'est un grand imam dans la Sunna. Et Kadhalika Humayd ibn Tawil, les deux, c'est des grands imams dans la Sunna. Ces personnes-là auraient pris cette science-là et l'auraient donné Kadhalika Malik. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Allah Alam, c'est du mal avec tous les points qu'on a cités. C'est dur. À la couille de Hal, nous, on leur dit à ces personnes, aux gens du premier avis, interprétez-nous un hadith al-Shafa. Interprétez-nous hadith al-Shafa'a wa anna lakum dhalik. Vous ne pourrez pas, impossible. Il y en a accepté, à part si jamais vraiment vous trouvez un hadith par rapport à cela. Hadith al-Shafa'a, nous on ne parle même pas avec l'Ijma'. On parle du hadith al-Shafa'a qui est muttafaqun alayhi, qui est sarih, qui est clair, qui est clair à ce sujet-là. Qu'il y a des gens, un groupe, parmi les musulmans qui sont rentrés en enfer, qui avaient dans le cœur un poids d'atome et sont sortis de l'enfer. Si vraiment, et ils ne faisaient pas partie des gens de la prière, si vraiment ces personnes n'avaient été des koufars, jamais ils seraient sortis de l'enfer. Jamais ils seraient sortis de l'enfer, mais pourtant ils sont sortis de l'enfer. Donc comment les personnes du premier avis, ils interprètent ce hadith? Ça a fait l'air. On reste des frères. Mais faites bien attention. Comme on l'a dit, il y en a un, la personne qui dit que t'as la question là, t'as qu'à soulever, par paresse et par négligence. Si jamais il a la conviction, il dit que c'est un kafir, tout en sachant qu'il y a un hadith shafa'a qui n'a pas été interprété. Un athar. Le athar, tu ne peux pas le contredire. Tu ne peux pas prendre le athar pour contredire la parole du prophète. C'est ça le problème. Ibn Abbas, rahimahullah ta'ala, lorsque certains, il avait évoqué la parole du prophète, et les autres sont venus, ils ont dit Abu Bakr Omar. يقول يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول أبو بكر عمر يدي peu s'en faut pour que des pierres vous tombent sur la tête. Il y en a dans le sens. Je vous dis, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, vous osez me dire, Abu Bakr Omar m'a dit, on ne peut pas prendre la parole des Sahaba, parce que les Sahaba, ils ne sont pas marchands, ils ne sont pas infaillibles, ils peuvent se tromper. Tandis que le Prophète sallam, qui n'a pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc, on peut, comme il a dit Cheikh Fawzan, rahimahullah wa ta'ala, la vérité, il faut, pour l'interpréter, il faut que tu ramènes la vérité. Il faut que tu ramènes soit la sunna, soit le kitab. Ou l'ijma, mais il n'y a pas d'ijma, malheureusement. Oui, ils ont compris le délaissement de la salat du hadith. C'est pareil pour celui, parce qu'en gros, tu veux dire, il y a le hadith, c'est un hadith, en gros, le hadith qui dit si les gouverneurs délaissent la salat, c'est une cause pour que vous sortiez contre eux, ou une cause que vous pouvez les combattre. Tu vises ce hadith, c'est ça? C'est ce hadith-là que tu vises? C'est ce hadith-là, à part s'ils voient une écran, c'est dans l'air, ce hadith-là. Donc revenons à la question de notre sœur. Oui, non, celui, à part si vous voyez un coffre, il n'a pas de fille à un coffre en bas. Est-ce que celui qui, yani le fait qu'il les tue, est-ce que ça fait, on dit de cela, yani que c'est des koufars, celui qui fait zina, ou celui qui est marié et qui fait zina, il se fait tuer aussi. Il se fait tuer, enfin, on le lapide jusqu'à ce qu'il meure. Le fait de tuer, ça montre pas que c'est. Ça montre pas, bah, toi aussi, méfiance. Ça montre que tu as droit, son sang est halal. Moi, je te renvoie la parole. Comment tu interprètes le hadith al-Shafa'a? Je vais chercher, Inch'Allah, je ne me connaissais pas les dalils de la vie contraire. Pas de problème. Il cherche la vérité. Et surtout quand la personne rentre dans une mas'ala qui a khilaf, elle rentre en étant neutre. Elle ne rentre pas pour venir appuyer son avis. Elle ne rentre pas dans un khilaf pour venir appuyer son avis. Elle rentre pour rechercher la vérité. Il faut demander beaucoup à Allah Azza wa Jal. Ni je te suis aveuglément et ni tu me suis aveuglément. Regarde la vérité, Inch'Allah. Et la vie qui te paraît le plus convaincant, prends-le. Tout en sachant que Hadith Shafa'a, les personnes sont obligées de l'interpréter. Ils sont obligés de l'interpréter parce que c'est. Mais la bonne, c'est. Ça ne fait pas partie de l'équité de dire que c'est un kafir et il reste un Hadith qui n'est pas élucidé. Et on a pu voir les menaces qui sont orientées aux personnes qui disent de son frère que c'est un kafir, que c'est pas un kafir. Entabehu. Man qala fi akhi ma laysa bih askanahu Allah rabqat al-khabal, qui est le plus des gens de l'enfer. As'Allah yasimana min al-na'am. Et donc, le wali de la femme peut ne pas prier. Le wali de la femme peut ne pas prier. Après cet avis, n'est-ce pas? Le wali de la femme. Je vois compris ce que tu veux dire. Une tuteur de la femme peut ne pas prier. Comment ça peut ne pas prier? La prière, elle est obligatoire. J'ai pas compris là. En cas de demande de mariage. Ah non, celui qui prie pas, après ça c'est un autre truc. Ça c'est un autre truc. Parce que le Nabi Sassan me dit Man ja'a ilaykum tarda dinakum wa khuluquhu fazawwijuhu. Celui qui délaisse la prière, nous on lui dit cette personne-là, on ne donne pas cher son islam. Le père est le wali, mais s'il demande s'il prie ou pas. S'il prie, maintenant il demande s'il prie ou pas. Khalas, moi je ne te conseille pas que le père marie quelqu'un qui ne prie pas. Abedan. Comment il laisse un pilier comme s'il prie pas, il ne peut pas être le wali. Ah, non, ça se voit là, ça n'enlève pas. Inch'Allah, je poserai la question. Wallahu alam, mais je ne pense pas que ça enlève, parce que c'est un muslim, c'est toujours son père. C'est toujours. Il est toujours sur, la personne est toujours. Elle est, la personne est toujours sur la tutelle de cette personne-là, ça n'est pas la tutelle. À partir du moment où c'est un muslim. C'est un muslim, ça reste un muslim. Toi, tu parles par rapport à la tutelle. Est-ce que le fait que cette personne-là délaisse la prière, est-ce que ça enlève pour rien? Est-ce que ça lui enlève la tutelle? C'est ça qu'il veut dire. Oui, c'est ça. Allah a l'amener. Parce que c'est un muslim, ça reste toujours un muslim. Et si c'est son père, ça reste toujours son père. Et c'est un muslim, donc la tutelle, elle est toujours là. Mais est-ce qu'après c'est mieux que mettons, une autre personne soit tuteur ou pas? Ça c'est une autre histoire, Inch'Allah. Je ne manquerai pas de poser la question à une personne qui est beaucoup plus savante que moi. Barakallahu fik. S'il ne prie pas, est-ce qu'il peut être toujours son avis? C'est ça que je veux dire. Je ne pense pas que ça, le fait que la personne ne prie pas, tout en ayant la conviction, non, par ça moi j'ai la conviction que celui qui la délaisse, ce n'est pas un kafir. Okay, c'est pas un kafir. Est-ce que maintenant, le fait que lui ne prie pas, ça me pousse à dire que, ou à mettre un jugement que cette personne-là, c'est plus son tuteur. Ça reste toujours un muslim. À partir du moment qu'il reste toujours un muslim, il a de la tutelle. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. C'est les kuffars. Les kuffars, ils n'ont pas de tutelle sur les musulmans. Moi, je connais que cette ayah-là qui montre que les kuffars, ils n'ont pas de tutelle sur les musulmans, sur les musulmans. Donc tant qu'il est musulman, la tutelle elle est là, Allah. Mais Inch'Allah, c'est juste histoire de mon arachin, histoire de voir un peu ce qu'il y a dans nos esprits, mais Inch'Allah on va poser la question à quelqu'un qui est beaucoup plus savant. Quelqu'un qui est beaucoup plus savant. Wafiq, barakallah. Allah yahfadakum ayyuha yakhutul karam. Barakallahu fikum al-huhur. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yahfadakum wa yawaffiqakum li kulli khair. Wa ila al-liqa' Inch'Allah. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته